me remettre en cause, mec. De quoi tu me causes, merde. La vie, c'est une question. Et chaque nuit, je croyais répondre, frère. J'ai teasé à me faire aiguiser le portrait. Pourtant, j'ai toute ma tête, mais j'ai pigé le contraire. Est-ce moi ou les autres, mon avis ou le vôtre? Je m'interroge, mais j'hésite à revenir sur mes fautes. Alors chacun sa méthode, par fierté, je n'y mets tort. Le ridicule ne tue pas, mais nous rend-il le plus fort. J'ai compris avec le temps que les erreurs nous font voir plus loin. J'agis en admettant que chaque connerie me sert de tremplin. Je crois que je devrais évoluer, changer mes priorités. Mais comme beaucoup de mes frères, je m'aide de produits prohibés. M'apitoyer sur mon sort, en voilà une drôle d'idée. Tu ce mec pas sûr de lui, mais qui agit quand c'est agité. On va dire que c'est con, je m'exprime avec des textes. Donc 16 rimes pour te répondre, ça y est, je pratique la remise en question. Je me remets en question, trouve si peu de solutions. C'est trop con, mais je reste là, coincé dans mon son. Calé dans ma bulle, je pense qu'à me vider les burnes. Le cerveau gesticule, fais pas souvent la une. On fait parfois des trucs crades entre nous. On s'emballe, on sent mal, et au final on se fait du mal. On est peut-être des types bien, mais souvent on s'éteint. Pour laisser place à nos démons et leurs pantins, je le vois bien, mais je fais rien pour rectifier le tir. En attendant, j'assume mes échecs, fais pas le martyr. Car je suis seul responsable des merdes que j'attire. Je m'active, faudrait penser à recharger mes batteries. Putain, ça me la fout mal d'écrire tout ça. Si y'a un constat, c'est juste que j'ai honte de moi. Mec, on a plus le choix, faut se poser des questions. Azil, Kakma et Rizla, on fait tourner le son. Puisqu'il faut se méfier de tout, frère, méfions-nous de nous-mêmes. On veut tous voir le bout dans l'obscurité du tunnel. Souvent par manque de confiance, j'espère aller dans le bon sens. On lâche des rimes à bon temps pour travailler la conscience. Puisqu'il faut se méfier de tout, frère, méfions-nous de nous-mêmes. On veut tous voir le bout dans l'obscurité du tunnel. Souvent par manque de confiance, j'espère aller dans le bon sens. On lâche des rimes à bon temps pour travailler la conscience. J'fais des conneries et croyez-moi, je suis le premier que je déçois. Le premier à voir la conséquence de mes choix. C'est le trou noir, trop souvent j'sais trop pas quoi faire. J'arrive pas à m'y faire, c'est le bordel dans mes affaires. Me prends la tête, j'm'entête à foncer dans le mur. J'suis toujours en quête, mais plus des mêmes choses, c'est sûr. J'prends de l'âge, j'vois les vraies couleurs des choses. C'est moins étincelant qu'à l'époque la vie en rose. Alors j'cause peut-être pour rien dire, pour rien sentir. Peut-être c'est pour nous guérir qu'on se met à écrire. Mais j'm'acharne à faire pire et ça me fait plus rire. Car j'ai fait le pari, toujours m'en sortir. Et l'écart est grand, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire. On garde la tête haute, même si on n'est pas toujours fier de ce qu'on fait. Nos actes ne sont pas le reflet de ce que l'on est. Mais pourquoi alors on le fait? Puisqu'il faut se méfier de tout, frère, méfions-nous de nous-mêmes. On veut tous voir le bout dans l'obscurité du tunnel. Souvent par manque de confiance, j'espère aller dans le bon sens. On lâche des rimes abondantes pour travailler la conscience. Puisqu'il faut se méfier de tout, frère, méfions-nous de nous-mêmes. On veut tous voir le bout dans l'obscurité du tunnel. Souvent par manque de confiance, j'espère aller dans le bon sens. On lâche des rimes abondantes.